Chapitre 27e. Avonmore est une des plus charmantes villes de l'Angleterre. Ce n'est pas un centre manufacturier, en sorte qu'on n'y voit ni les pauvres faubourgs, ni les tristes masures, ni les quartiers misérables, où grouillent d'habitude les familles ouvrières des cités industrielles. Là, tout est riant et heureux. La grande rue, aussi large que Regent Street, est bordée de beaux magasins remplis d'objets de luxe, destinés à tenter les favorisés de la fortune. Les deux principaux hôtels peuvent rivaliser avec ceux des grandes villes pour le confort et les prix élevés de leurs tarifs. La rivière qui passe à Avonmore arrose de magnifiques pâturages. Elle coule paresseusement, sans avoir jamais pris la peine de faire tourner la roue d'un moulin. Ses rives, ombragées et charmantes, invitent à la promenade et à la rêverie les riches habitants de cette riante cité. Sur les collines environnantes s'élèvent d'élégantes villas. Leurs jardins, parfaitement tenus, sont remplis d'arbres rares et de plantes d'un grand prix, qui témoignent encore des richesses des propriétaires de ces belles habitations. Avonmore est une charmante ville pour ceux qui ont leur vie toute gagnée, s'écrie Churchill Green en achevant son frugal déjeuner dans une arrière-petite boutique. Mais cela excepté, on n'y peut que mourir de faim. Sa femme, assise au coin du feu, nourrissait un tout jeune enfant, chétif et malingre comme sa mère. « Il est sûr, répondit-elle à son mari, qu'il en est ainsi pour nous, mais il en est pourtant d'aucuns qui réussissent. Si vous vous occupiez plus sérieusement de la maison, peut-être que... »« Comment plus sérieusement ? » s'écria Churchill brusquement. « Je ne comprends pas, je l'avoue. Puis-je amener de force les clients ? Voici un exemple. Je suis resté ici hier toute la journée à me luxer la mâchoire derrière le comptoir. Qui ai-je gagné ? Il est venu deux dames en tout. » Après avoir tourné et retourné d'innombrables morceaux de musique, elles n'ont absolument rien acheté. J'en étais pour mes frais d'éloquence, voilà tout. Ah, si je vendais du fromage, des chiffons et des vieux os, j'aurais une clientèle plus facile à satisfaire. Si vous essayiez autre chose, je vous l'ai maintes fois conseillé, reprit-elle de ce ton plaintif, moitié résigné, qui irrite particulièrement les nerfs d'un mari. Je consentirais volontiers à faire un commerce beaucoup moins relevé, si j'y voyais une chance de gagner de l'argent. « Peu importe, en vérité, l'essentiel à mes yeux, c'est de pouvoir élever notre famille. Je suis honteuse, je l'avoue, d'envoyer les enfants en classe avec des vêtements usés, des chaussures éculées. N'était un cirque qui passe de temps à autre ou un piano à accorder, vous ne gagneriez pas un billet de 100 francs par an. Sans la générosité de mes amis, nous serions réduits à mendier ou à mourir de faim. » La pauvre femme acheva cette phrase en tremblant un peu, car à ces mots, mes amis, la physionomie de son mari se rembrunit. « Si vos amis, répliqua-t-il, étaient moins mystérieux dans la distribution de leurs dons, je pourrais sans doute leur avoir plus de reconnaissance. Mais il ne saurait jamais être agréable à un mari que sa femme reçoive de l'argent dont il ne connaît pas l'origine. Et pourtant, riposta-t-elle, vous ne vous faites pas faute d'en faire usage pour votre propre agrément. Il faut bien que je vive, s'écria-t-il. Je n'ai garde de vous dénier ce droit. Et vous savez que je ne suis pas en retard pour vous procurer ce qui peut vous être agréable. Seulement, il est bien dur pour moi de priver mes enfants du nécessaire, quand vous ne vous refusez pas le superflu. Au lieu d'aller dépenser votre argent à la taverne, nous pourrions être tous heureux ici. » Heureux, répéta Green, en jetant un regard dédaigneux sur ce misérable intérieur et sur cette pauvre femme, maigre à faire peur, qui toussait à fendre l'âme. Je ne vois pas dans tout ce qui m'entoure le moindre élément de bonheur. Un cœur de voix d'enfant criard, alternant avec les solides d'une femme qui gémit, n'a rien qui puisse me charmer, je vous assure, Lucie. Et si je n'allais de temps en temps me distraire au dehors, je me brûlerais la cervelle. Ce n'est pas moi, Charles, qui vous ennuierai longtemps, reprit-elle, en attachant sur lui des yeux pleins de larmes. Son regard était poignant de tristesse, mais il ne produisait plus aucune impression sur son mari. Quant aux enfants, une fois que je ne serai plus là pour en prendre soin, ajouta-t-elle, ils ne feront pas vie qui dure, les pauvres petits. Quand la bourse est vide, il est difficile de procurer à chacun les douceurs de l'existence. D'ailleurs, je suis convaincu que vous vivrez encore de longues années. Une porte qui grince sur ses gonds n'en est, dit-on, que plus solide. Je souffre chaque jour davantage. J'ai des douleurs intercostales des plus aiguës, une toux opiniâtre qui me déchire la poitrine. C'est la conséquence du vent d'est. Quand la girouette aura tourné, vous éprouverez un soulagement immédiat. Adieu. Où allez-vous, Churchill ? À la gare. Il y a ce soir un concert à Blackford. Et je tiens à entendre un artiste dont la voix de contralto est, paraît-il, fort remarquable. Je prendrai un billet de troisième classe, aller-retour, et je serai ici vers 1 heure du matin. Ne m'attendez pas. Je vous demande de me préparer quelques boissons chaudes et réconfortantes. Voilà tout. » Avant que Lucie ait eu le temps de lui adresser quelques observations sur l'opportunité de cette distraction coûteuse, Churchill avait franchi la porte, laissant sa pauvre femme gémir seule au coin du feu sur son malheureux sort. Son mari allait encore dépenser inutilement de l'argent, tandis qu'il aurait pu acheter des souliers aux enfants ou un peu de vieux vin pour elle. « Moi, se dit-elle, moi qui étais si fière du talent musical de Churchill quand je l'ai épousé, j'ai maintenant en antipathie le mot seul de musique. » Le timbre de la porte se fit entendre, Lucy Green se leva, déposa son enfant sur son berceau et courut au magasin. « Monsieur désire-t-il voir notre nouvelle musique ? » demanda-t-elle avec empressement. « Nous avons un choix très varié. »« Je ne suis pas un acheteur, madame, » répondit l'étranger avec une parfaite politesse. « Je désire vous parler en particulier, si vous le permettez. »« C'est bien, madame Churchill Green, que... » »« Parfaitement. »« J'ai eu dernièrement l'occasion de rencontrer votre parente, madame Dandley. »« Vraiment, monsieur ?» s'écria Lucy toute joyeuse. « Comment allait-elle ? Bien, j'espère. »« Très bien, je l'ai rencontrée à Highley il y a à peine 8 jours. » « Cher Highley, » s'écria Madame Churchill Green, « j'aime cette petite localité. J'ai passé une jeunesse si heureuse. Elle ne peut rivaliser avec Avonmore, et pourtant combien je la préfère dans sa simplicité à cette ville élégante et luxueuse. Cela tient sans doute à tous les soucis que les années, le mariage, la maternité m'ont apportés. Les enfants sont des charges que l'on peut trouver lourdes, mais dont on ne voudrait pour rien au monde être allégé. C'est vrai, monsieur. » Quoique le fardeau dépasse peut-être mes forces. » Un accès de toux opiniâtre confirma instantanément le dire de la pauvre mère. L'étranger dut attendre un moment pour reprendre la parole. « Permettez-moi, lui dit-il, de vous faire connaître tout de suite le but de ma visite. Je désire causer avec vous du temps où vous étiez femme de chambre à Templewood. Ce fut, monsieur, le plus beau temps de ma vie. Seulement je ne vois pas l'intérêt que vous pouvez avoir à m'interroger sur cette époque de mon existence. J'espère pouvoir connaître, à l'aide de vos souvenirs, certains faits qu'il m'est indispensable de savoir pour apprécier la valeur d'un jugement rendu dernièrement et qui me touche au plus haut degré. Vous étiez, n'est-il pas vrai, au service de Miss Alice Rothney avant son mariage? Oui, monsieur, c'était la meilleure des maîtresses, et son souvenir me sera toujours cher. Si elle était bonne pour vous pendant sa vie, je vois que votre reconnaissance ne s'est pas éteinte avec le temps. J'aurais traversé l'eau et le feu pour lui sauver la vie, et je suis encore prête à le faire pour défendre sa mémoire. » En disant ces mots, Alice Green tira un mouchoir de sa poche et s'essuya les yeux. « Pensez-vous qu'elle fut heureuse ? Son mari l'adorait. « Cela ne suffit pas, assura le bonheur. Il est tant de jeunes filles qui gardent au fond du cœur dans le mariage le souvenir d'un amour malheureux. Il m'appartient moins qu'à tout autre de traiter cette question avec un étranger. En agissant autrement, je croirais manquer à la fidélité que je dois au souvenir de ma maîtresse. » « Si je me permets de vous interroger ainsi, ce n'est pas par un sentiment de vaine curiosité, mais pour servir la cause de la justice. Il n'est pas possible, continua Morton, que vous n'ayez pas suivi, avec le plus vif intérêt, les débats de l'affaire qui s'est jugée à Highley en octobre dernier. Dites-moi franchement, si vous croyez que l'individu qui a été condamné comme l'auteur du crime de M. Blake soit le vrai coupable. » Les yeux de Lucy ne quittaient pas ceux de Morton. Les lèvres et les joues de la pauvre femme étaient tour à tour blêmes et pourpres. « Cette femme est dans le secret, » se dit-il. « En quoi la culpabilité ou l'innocence de cet homme peut-elle toucher à la personne de Lady Courtenay ? » Comme il est bien connu que Walter Blake avait été l'un des adorateurs de Miss Alice Rothney avant son mariage, il est permis de se demander si Sir Everard, poussé par un sentiment de jalousie, « Ah !» s'écria Lucy en coupant la parole à son interlocuteur, « n'achevez pas. Je ne vous laisserai pas attaquer en ma présence la mémoire d'une femme que personne n'a calomniée pendant sa vie, ni après sa mort. Songez qu'il y a 20 ans qu'elle repose dans la tombe. Pourquoi tenez-vous tant, monsieur, à remuer les cendres du passé, à en vouloir sonder les mystères, à en connaître tous les secrets ? Reprenez votre calme, et vous conviendrez que je n'ai pas prononcé un mot blessant pour la mémoire de Lady Courtenay. Loin de lui faire un crime de la passion ardente qu'elle inspirait à Sir Walter Blake, je l'en honore davantage. Mais je soupçonne Sir Everard de n'être pas étranger au meurtre de Walter Blake, et j'avais l'espoir que vous pourriez m'aider à découvrir le secret de sa culpabilité. « Sir Everard Courtenay !» s'écria Lucy Green. mais Walter Blake était comme chez lui à Fairview. L'amitié qui existait entre lui et Sir Everard remontait aux années de leur jeunesse et n'avait jamais connu de nuages. Supposons précisément que cette intensité ait été interrompue tout d'un coup, qu'un mot innocent de tout mal, peut-être, prononcé par Lady Courtney, ait allumé dans le cœur de Sir Everard le feu de la jalousie. Ah! Vous voulez maintenant me sonder au sujet de Sir Everard, comme vous l'avez fait à l'égard de Lady Courtney. Vous perdrez votre temps et vos peines, car au cas où je saurai des choses que certes je ne sais pas, je n'aurai garde de mal parler d'un maître qui a toujours été pour moi bon et généreux. Oui, très généreux, répéta-t-elle en pleurant. Je ne sais ce que je deviendrai sans lui, avec mes 4 enfants et un mari qui dépense plus qu'il ne gagne. » Madame Green, dans un état de surexcitation fébrile, allait et venait, recouvrait d'une main nerveuse l'enfant endormi dans son berceau. Morton avait fini par changer aussi de place. Il se tenait près d'une fenêtre qui projetait sur son visage une vive lumière. « D'où vient votre trouble, Madame Green ? » dit-il en la regardant fixement. « De deux choses l'une, ou vous ne savez rien, et votre agitation n'a pas de raison d'être, ou vous êtes payée pour garder le secret d'un crime. L'argent gagné ainsi, rappelez-vous le bien, ne peut porter bonheur ni à vos enfants ni à vous-même. » « Comment pouvez-vous me croire capable d'une action aussi basse ? » dit-elle en tremblant de tous ses membres et en le regardant en face pour la première fois. « Comment osez-vous ? » Aussitôt, elle poussa un cri aigu en posant sur ses yeux une main crispée. « Juste ciel ! Le visage de Walter Blake !» En disant ces mots, elle se laissa tomber sur une chaise. Il lui semblait qu'elle venait de voir un fantôme. « Ah, pauvre malheureuse Alice ! Il vous aimait si tendrement, si passionnément, il était si bon !» reprit-elle au bout d'un moment, puis elle fondit en larmes. « Mais pourquoi me torturer ainsi ? » ajouta-t-elle en sanglotant. « De quel droit ? » ?»« Il m'est permis d'user de tous les moyens pour arriver à découvrir la vérité au sujet de l'assassinat de Walter Blake, de mon père, car c'était lui. » À ces mots, Lucy Green s'approcha mystérieusement de Morton Blake et le contempla aussi avec des yeux humides et tristes. C'était à croire qu'une ombre, revenant du pays où l'on oublie tout, se dressait devant elle. « Oui, ce sont bien ses traits, » balbutia-t-elle. « Mon instinct aurait dû m'avertir plus tôt. Mais jusque-là, je ne vous avais pas bien vu. Vous étiez assis à contre-jour. J'étais si troublé par ce que vous me disiez. En outre, ma vue est si mauvaise maintenant. Mais votre voix seule aurait dû suffire pour me faire deviner tout de suite qui vous êtes. Voilà ce que c'est que d'être si nerveuse, si faible. Il s'agit aujourd'hui de m'aider à découvrir quel a été le véritable assassin de mon père. » demanda Morton d'un ton qui annonçait une volonté ferme et résolue. « Comment le pourrais-je ? Je suis resté tout le temps, le jour de l'assassinat, auprès de ma pauvre maîtresse mourante. Je ne sortais jamais de Fairview. » « Vous ne vous souvenez de rien qui puisse me mettre sur la voie ? Pas d'une seule circonstance ? Non, de rien, absolument. C'est-à-dire que votre parti est pris de ne pas parler. Pourquoi vous obstinez-vous à douter de ce que tout le monde croit et à ne pas admettre la culpabilité de celui qui s'est accusé lui-même ? Parce que j'ai les plus fortes raisons du monde pour soupçonner Sir Everard d'être l'auteur du crime. « Ciel, qu'entends-je » s'écria-t-elle, les regards toujours attachés sur Morton. « Y songez-vous, Sir Everard, un gentilhomme accompli, se rendre coupable d'une telle action, et sur la personne de son meilleur ami, Monsieur Blake, Monsieur Blake. Comment osez-vous dire une chose pareille ? Pourquoi êtes-vous venu ici ? À quoi bon évoquer ce passé si douloureux ? Non. « Je ne puis supporter ces souvenirs si cruels, si amers. » En prononçant ces dernières paroles, Lucy fut prise d'une telle crise de larmes que Morton inquiet lui dit « Je vous en conjure, calmez-vous. Si vous ne savez rien de particulier sur la mort de mon père, si vous n'avez pas de secret qui vous pèse, pourquoi ce trouble, cette agitation, ces larmes ? Je ne vois aucunement leur raison d'être. Si, monsieur, si, elles ont un motif très réel, ne pouvez-vous le comprendre ?» Le deviner. Oh mon Dieu ! Il me semble que je vois encore M. Blake, quand il se tenait contre la haie qui sépare le potager de la pépinière, et qu'il me parlait de ma pauvre maîtresse. Il me confiait souvent des billets pour elle. Il était si heureux de causer avec moi de Miss Alice. Hélas ! Parce que nous sommes des servantes, vous nous traitez, messieurs, comme des êtres sans importance, qui n'ont ni cœur, ni passion, ni imagination. Mais quoique servante, j'étais femme. Et il advint que Sir Blake exerçait sur moi une véritable fascination. Je n'étais contente que lorsque je le voyais. Puis, la jalousie me troubla jusqu'au plus profond de mon être, et plus d'une fois, lorsqu'il me remettait une lettre pour Miss Alice, je couvrais ce message de mes baisers et le gardais des heures sur mon cœur avant de le remettre à sa destinataire. Que de fois la jalousie m'a poussé à détruire ces précieuses lettres. Malgré tout ce que je souffrais à cause d'elle, je n'ai jamais cessé d'aimer Miss Alice et je lui suis resté fidèle. Lucy Green avait fini par couvrir son visage émacié de ses pauvres mains décharnées. Ses paroles étaient entrecoupées par des sanglots. Lorsqu'enfin elle releva la tête, ses joues étaient rouges de honte. « Pourquoi revenir sur ce douloureux passé? Pourquoi vous avoir révélé ce que personne n'a jamais su, et lui moins que tout autre? Je n'étais ni coquette ni hardie, et j'eusse préféré mourir plutôt que de lui laisser soupçonner l'amour malheureux qu'il m'inspirait. Ah, vous me demandiez tout à l'heure d'où venait mon trouble, mes larmes. Eh bien, vous le savez maintenant. Je vous plains de toute mon âme. Loin de vous en vouloir, je vous honore. Pour les sentiments que vous inspirez le meilleur et le plus noble des hommes, et pour tout ce que vous avez souffert pour lui. Personne ne peut comprendre aussi bien que vous à quel point j'ai à cœur, moi, son fils unique, qu'il adorait, de venger sa mort. Ne me parlez pas de sa mort, reprit-elle en sanglotant. Cette pensée m'enlève le peu de force qui me reste, et je suis si faible. Morton la considéra quelque temps. Les larmes qui couvraient le visage blême de cette pauvre créature, sa faiblesse physique, lui inspiraient une véritable compassion. Mais plus il la regardait, plus il restait convaincu qu'elle renfermait au fond de son cœur un autre secret qu'elle ne voulait pas révéler. Sa physionomie douloureuse exprimait la lutte qu'elle se livrait à elle-même. Il y avait une autre cause à l'émotion qu'elle ressentait de la mort de M. Blake. Sa conscience devait lui reprocher de garder quelque secret qui lui pesait comme un remords. « Vous paraissez bien souffrante, » lui dit Morton avec douceur. Peu à peu, elle avait recouvré son sang-froid. Et elle était allée prendre dans un berceau un pauvre bébé souffreteux comme elle, qu'elle couvrait de caresses, de larmes et de baisers. « Voilà 6 mois, dit-elle, que j'ai une bronchite aiguë. Ma mère est morte de cette même maladie l'année dernière. Ce sera sans doute bientôt mon tour. Je ne regretterai la vie qu'à cause de mes enfants. Hélas, que deviendront-ils quand je ne serai plus là? Mon mari a de bonnes intentions, mais il est incapable de résister à l'attrait d'un plaisir, et tout ira à la dérive lorsqu'il sera veuf. Puisse Dieu vous conserver longtemps encore au vôtre. Vous paraissez être dans une situation bien précaire, ce magasin. Churchill s'en occupe lorsqu'il est ici. Ce n'est pas une charge pour moi. Celle des enfants m'absorbe du matin au soir et souvent même du soir au matin. Je vous plains sincèrement, dit Morton. Je crois que l'air de la campagne, des bois et des champs vous ferait du bien. Surtout si vous aviez une servante pour vous décharger un peu du soin de la maison et des enfants. Assurément, monsieur, mais c'est impossible. « Pas du tout impossible si vous voulez venir à Tingley. Je vous donnerai un des cottages qui sont dans mes domaines, avec un joli petit coin de jardin. On vous trouvera une brave et honnête fille pour vous servir. Ma tante, Miss Blake, qui est la bonté même, veillera à ce que rien ne vous manque, jusqu'au jour où vous serez assez bien portante pour revenir habiter à Avonmore avec votre mari. Que vous êtes bien le digne fils de votre père, bon, généreux, compatissant. Allons. » « C'est une chose arrangée. Je ferai transporter demain quelques meubles dans le cottage. Ma tante se fera un plaisir de surveiller votre installation provisoire. Maintenant, il faut que votre mari consente à la réalisation de ce projet. Je crois qu'il s'y prêtera volontiers. Il a souvent exprimé le regret de ne pouvoir m'envoyer à la campagne. Puis, il lui est pénible de m'entendre tous et continuellement, comme je le fais. Il en veut à ma tante Dandley de ne pas m'avoir invité à aller passer quelque temps chez elle. Mais la pauvre chère femme a les mains liées par mon oncle, à qui la société des malades et celle des enfants ne sont pas agréables. Quant à me séparer des chers petits, il ne faut pas y penser. Eh bien, puisqu'il ne tiendra qu'à vous de les emmener à Tingley, le plan que je vous propose ne doit vous causer, j'espère, aucun regret. En attendant, acceptez cette petite somme pour votre voyage. Je vous écrirai demain quand tout sera prêt pour vous recevoir. Jusque-là, prenez vos dispositions avec M. Green. Comment pourrais-je assez vous remercier? Vous êtes trop bon, 1000 fois trop bon. Vous ressemblez en tout à votre père. Je ne puis rien vous dire de plus. Au revoir, ou plutôt à bientôt. Sans en dire davantage, Morton prit son chapeau et partit. En agissant comme il le faisait, il n'écoutait que son cœur et n'avait obéi à aucun sentiment d'intérêt personnel. Il s'était senti pris de compassion profonde pour cette malheureuse créature, et parce qu'elle avait beaucoup souffert, et parce qu'elle avait beaucoup aimé. Une fois en chemin de fer, seul, dans son compartiment, il vint à l'esprit, pendant qu'il réfléchissait sur les bizarreries de la destinée, que peut-être il en coûterait moins à Lucy Green de confier son secret à un bienfaiteur qu'à un étranger. Et, près d'atteindre par ce moyen si inattendu le but qu'il poursuivait déjà depuis longtemps, Morton en conclut que, décidément, il y a souvent lieu dans la vie de se féliciter plus de la bonté de notre naturel que de la force de notre esprit.